pour parler. Tu m'énerves là, je veux m'en aller. Pour toi, je mourrais s'il le fallait. Tout a changé, mais je fais pas chialer. Tu fais le vaillant, mais tu sais que parler. T'as plein de sous, tu fais le mec un chien. Tu crois que tu sais tout sur tout. Tu me fais trop l'ancien. J'en ai vu dans la merde, mais notre vie c'est la même. Et ça toute l'année. T'es pas tôt de la mettre, et c'est dur de l'admettre. Moi perso, je suis fané. Il a bu ton verre. Il regarde travers. Pour un trou en bécane, il me laisse des comme oui, des comme de camp. Dans le fond, ça me fait rire sur le jeu, je décolle. Tu fais trop le mec, y'a pas un. Elle est trompeuse, l'apparence. Pour ce qu'on perd, tu es un frère et proche qui ont grandi sans parents. Fais gaffe, y'a les civils. Tout peut aller si vite. Je vis comme si c'était le dernier jour. J'avance le cœur si vite. Elle a bu ton verre. Sans t'observer dans des BR, que des victimes qui font les déterres. Au Texas, monde, y'a que des dégâts. Ils sont en chien, ils publient des photos pépères. Si je te frappe pas, c'est que j'aime bien ta mère. On s'aime, on se parle pas, mais on galère. Tu dis moi, je tire, mais tu tires en l'air. Tu fais le gros, mais t'en as pas l'air. Il a bu ton verre. Il regarde travers. Il insulte la mère. Il se prend pour ton père. Il te doit des lots. Ta famille là.